Yeah, R.O.S.H. l'homme à l'instinct animal. De retour, mec, le phénix. Après 10 piges, le vaillant guerrier de Londres revient. Yeah, man, sous le label de Burina Record, man. Yeah, le silence est d'or. Après 10 piges, le phénix se réveille, renaît des cendres, avalanche sur le hip-hop. Amen. Nouveau visage.